Chapitre 4e. Démonstration oculaire. Le nom gravé sur la carte laissée par l'étranger sur la table de Mademoiselle de Sévennes ou Madame de Lancy était celui de Raymond de Marolles. Le flâneur était donc Raymond de Marolles et c'est lui que nous suivrons dans la matinée du lendemain de l'entrevue orageuse du pavillon. Il occupe un délicieux appartement sur le boulevard, petit naturellement, comme il convient à un garçon, mais meublé dans le goût le plus exquis. Il est une chose qu'on ne peut s'empêcher de remarquer en pénétrant dans ce logis, c'est la propreté surprenante et la précision presque mathématique avec laquelle tous les objets sont rangés. Livres, peintures, bureaux, pistolets, fleurets, grandes boxes, cravaches, cannes et fusils, tout est disposé dans un ordre tout à fait inusité dans un appartement de garçon. Mais cet ordre fait partie du tempérament de M. de Marolles. On l'observe dans l'ordonnance recherchée de sa toilette, dans sa moustache correctement ajustée. On peut le remarquer même dans les inflexions de sa voix qui s'élève et tombe avec une régularité plutôt monotone qu'harmonieuse et qui n'est jamais altérée par une de ses causes vulgaires telles que l'inquiétude ou l'émotion. À 10 heures de cette matinée, il est encore à déjeuner. Il n'a rien mangé, mais il est en train de boire sa seconde tasse de café et il est aisé de voir qu'il réfléchit profondément. « Oui, murmure-t-il. Il me faut trouver un moyen de la convaincre. Elle doit être entièrement convaincue avant d'être amenée à agir. Mes premiers coups ont si bien porté que je ne dois pas faillir dans mon coup de maître. Mais comment la convaincre? Des paroles seules ne la satisferont pas longtemps. Il faut une démonstration oculaire. » Il finit sa tasse de café et se met à jouer avec la cuillère qui produit par son choc contre la tasse de Chine une série de petits sons sourds. Bientôt, il frappe un coup plus fort qui fait résonner une note de triomphe. Il était occupé à chercher un problème, il vient d'en trouver la solution. Il prend son chapeau et sort précipitamment de la maison. Mais aussitôt qu'il est sur le boulevard, il ralentit son pas et reprend son ancienne démarche nonchalante en s'acheminant vers l'opéra. C'est vers la porte du théâtre qu'il dirige ses pas. Un homme âgé, le portier, est occupé dans le petit vestibule sombre à fabriquer un pot-au-feu et il réchauffe en même temps ses mains à un petit poêle logé dans un coin. Il est tout à fait habitué à l'apparition de jeunes gens élégants. Aussi lève-t-il à peine la tête quand l'ombre de Raymond de Marolles intercepte le jour du couloir. « Bonjour, monsieur le concierge, » dit Raymond, très occupé à ce que je vois. « Une petite affaire de ménage, voilà tout, monsieur, étant garçon. » Le portier est un peu âgé et quelque peu barbouillé de tabac pour un garçon, mais il a la passion d'informer les visiteurs du théâtre qu'il n'a jamais voulu sacrifier sa liberté sur l'autel de l'Hyménée. Ils pensent peut-être qu'ils pourraient éprouver quelques scrupules à confier leur message à un homme marié. « Pas trop occupé alors pour un bout de conversation, mon ami ?» demande le visiteur, glissant furtivement une pièce de 5 francs dans la main du garçon. « Jamais trop occupé pour cela, monsieur. » Et le portier abandonne le pot-au-feu à sa destinée et poussette avec son mouchoir de couleur un fauteuil délabré qu'il présente au monsieur. Monsieur est très affable et le concierge très communicatif. Il donne à monsieur une quantité d'utiles renseignements sur les engagements des principales danseuses, sur les bouquets et sur les bracelets de diamants qu'on leur jette, sur les regards et les faveurs que ces présents rapportent, et sur divers autres faits intéressants. Bientôt, monsieur, qui a écouté tous ces détails, quoique l'intéressant faiblement, prend la parole d'un air gracieux. Auriez-vous par hasard, parmi vos surnuméraires, vos choristes ou vos gens de position insignifiante, un de ces individus que l'on rencontre si généralement dans un théâtre et qui font des imitations. « Ah !» dit le portier en riant à gorge déployée. « Je vois que monsieur sait ce que c'est qu'un théâtre. Nous avons assurément 2 ou 3 de ces gens, mais un, supérieur à tous, un chanteur des chœurs, un individu remarquable, qui possède un talent d'imitation à confondre la nature elle-même. Un gaillard à donner à la boisson, qui aurait pu remplir les premiers rôles et se faire une réputation. Un camarade qui n'a pour passion que les dominos et le vin bleu, mais un imitateur surprenant. Ah ! Et il imite probablement tous les grands artistes, votre prima donna, votre basse, votre ténor. Hasarde, monsieur Raymond de Marolles. Oui, monsieur. Il faut l'entendre imiter le nouveau ténor, monsieur Gaston de Lancy, qui a fait tant de bruit. Ce n'est pas un garçon de mauvaise mine. Il est exactement de la même taille que monsieur de Lancy, et il peut rendre ses manières, sa voix et sa démarche si complètement que... Dans une pièce obscure, on pourrait distinguer à peine l'un de l'autre, n'est-ce pas? Précisément, monsieur. Je suis excessivement curieux de ces sortes de gens et serais désireux de voir cet individu si... » Il hésite en faisant sonner quelques pièces d'argent dans sa poche. « Mais, monsieur, dit le concierge, rien de plus facile. Ce mousset est toujours ici à 7 heures. Les chœurs répètent pendant que les premiers artistes font la digestion de leur déjeuner. Nous le trouverons ou sur le théâtre ou dans une des loges en train de jouer domino. Par ici, monsieur. » Raymond de Marolles suit le concierge au travers de sombres passages qui descendent et une série innombrable de marches qui montent jusqu'à ce qu'enfin arrivé à une certaine hauteur, il s'arrête devant une porte basse qui les sépare évidemment d'une société bruyante. Le portier ouvre cette porte sans cérémonie et il pénètre dans une salle basse, aux murs nus peints à la chaux et barbouillés de caricatures au charbon de prima donna et de ténor, avec des nez impossibles et des jambes en fuseau. Devant une table de sapin est assis un groupe de jeunes gens, misérablement vêtus, qui jouent au domino, tandis que d'autres regardent et parient pour les joueurs. Ils fument tous de minces cigarettes, qui ressemblent à des morceaux de papier roulé, et qui ne durent chacune que 2 minutes environ. « Pardonnez-moi, monsieur Mousset, » dit le portier s'adressant à un des joueurs de domino, un jeune homme de bonne mine, ayant une figure pâle et brune et des cheveux noirs. « Pardonnez-moi d'interrompre votre intéressante partie, mais je vous amène un monsieur qui désire faire votre connaissance. » Le choriste se lève, donne un long regard à un double 6 qu'il allait justement poser et s'avance vers l'endroit où attend monsieur de Marolles. « Je suis au service de monsieur, » dit-il avec un salut non apprêté mais gracieux. Raymond de Marolles, avec une aisance de manière toute particulière, passe son bras sous celui du jeune homme et le conduit dans l'intérieur du passage. « J'ai entendu dire, monsieur Mousset, que vous possédiez un talent d'imitation d'un ordre vraiment supérieur. Consentiriez-vous à m'aider avec ce talent dans une petite farce que j'organise pour l'amusement d'une dame? Si vous acceptez, vous aurez un droit, que je me garderai d'oublier, sur ma reconnaissance et sur ma bourse. » Ce dernier mot fait dresser les oreilles à Paul Mousset. Pauvre diable. Ses derniers sous sont partis avec la dernière demi-once de tabac. Il déclare être trop heureux d'obéir aux ordres de monsieur. Monsieur propose de se réfugier dans un café voisin où ils pourront avoir une demi-heure tranquille de conversation. Ils s'y rendent et à la fin de la demi-heure, monsieur de Marolles prend congé de Paul Mousset à la porte de l'établissement. Comme ils se séparent, Raymond jette un coup d'œil sur sa montre. 11h30. Tout va mieux que je ne pouvais jamais l'espérer. Cet homme passera très bien pour Robert le Diable et la belle dame aura une démonstration oculaire. Maintenant, au reste de mes préparatifs, à ce soir. Ma superbe et belle héritière, à vous. Au moment où les horloges sonnaient 10 heures dans la soirée de ce jour, une voiture de place s'arrête près de la barrière de l'Étoile, et comme le cocher retient son cheval, un homme sort de l'obscurité et court à la portière du fiacre, qu'il ouvre avant que le cocher ait pu quitter son siège. Cet homme est monsieur de Marolles, et la personne assise dans la voiture est Valérie de Lancy. « Ponctuelle, madame, dit-il. Ah, dans les moindres choses, vous êtes supérieure à votre sexe. Vous prierai-je de descendre et de faire quelques pas avec moi ?» La dame, qui porte un voile épais, incline la tête pour toute réponse, mais elle est à côté de lui en un instant. Il donne quelques ordres au cocher, qui se retire à une petite distance, puis il offre son bras à Valérie. « Non, monsieur, dit-elle d'une voix sèche et dure, je puis vous suivre ou marcher à côté de vous, j'aime mieux ne pas prendre votre bras. » Il est peut-être bon pour elle que la nuit soit assez sombre pour empêcher de voir le sourire qui relève sa noire moustache et l'éclair qui traverse ses yeux bleus. Il a quelque chose du physiologiste aussi bien que du mathématicien, cet homme. Et il peut dire ce qu'elle a souffert depuis la nuit dernière au changement seul de sa voix. Le son en est triste et monotone et le timbre naturel semble s'être évanoui pour jamais. Si les morts pouvaient parler, ils parleraient ainsi. « De ce côté, madame, dit-il. Mon premier objet est de vous convaincre de la trahison de l'homme pour lequel vous avez fait de si grands sacrifices. Aurez-vous la force de survivre à la découverte? J'ai bien survécu à la nuit dernière. Allons, monsieur, ne perdons plus de temps en paroles, ou je croirai que vous êtes un charlatan. Laissez-moi entendre de ses propres lèvres que j'ai sujet de le haïr. Suivez-moi alors, et doucement. » Il l'a conduit dans le bois de Boulogne. Le ciel n'a pas une étoile, et c'est une nuit de décembre froide et noire. Une légère couche de neige a blanchi le sol et assourdi le bruit de leurs pas. On dirait 2 ombres se glissant entre les arbres. Après avoir marché environ 1/4 de lieue, il la saisit par le bras et l'entraîne précipitamment dans l'ombre formée par le tronc d'un gros arbre. « Maintenant, dit-il, maintenant, écoutez. » Elle entend une voix dont le timbre lui est connu. Il se produit d'abord un bourdonnement dans ses oreilles, comme si tout son sang montait de son cœur à son cerveau, mais bientôt elle saisit distinctement les sons. Bientôt aussi, ses yeux commencent à s'habituer aux ténèbres, et elle aperçoit à quelques pas d'elle la silhouette d'un personnage de taille élevée qui lui est connu. C'est Gaston de Lancy qui est là, son bras entoure la taille svelte d'une jeune fille et sa tête penchée à cette gracieuse langueur qu'elle connaît si bien lorsqu'il contemple son visage. La voix de De Marolles glisse tout bas dans son oreille. La jeune fille est une danseuse des funambules qu'il a connue avant d'être un homme illustre. Son nom, je crois, est Rosette ou quelque chose comme cela. Elle l'aime passionnément, peut-être presque autant que vous, malgré vos quartiers de noblesse sur votre écusson. Il sent la petite main qui dédaignait auparavant de s'appuyer sur son bras, étreindre maintenant son poignet et le serrer comme si chacun de ses doigts effilés était un étau de fer. « Écoutez, » dit-il de nouveau, « écoutez le drame, madame, je suis le cœur. » C'est la jeune fille qui parle. « Mais Gaston, ce mariage a presque brisé mon cœur. » « Fut un sacrifice à notre amour, ma Rosette. Pour ton amour seul, j'ai fait un aussi grand sacrifice. Mais la fortune de cette hautaine grande dame fera notre bonheur sur une terre éloignée. Elle se doute peu, la pauvre folle, pour l'amour de qui je supporte ses airs de grandeur, ses grâces de l'ancien régime, ses caprices et sa folie. Sois seulement patiente, Rosette, et confiance en moi. Le jour qui nous unira pour toujours n'est pas si éloigné, crois-moi. » C'est la voix de Gaston de Lancy. Qui pourrait en connaître mieux les accents que son épouse légitime, qui pourrait mieux les connaître que celles dont il frappe mortellement le cœur. La jeune fille parle de nouveau. « Et vous n'aimez pas cette belle dame, Gaston? Dites-moi seulement que vous ne l'aimez pas. » La voix connue répond « L'aimer? Bon, nous n'avons jamais d'amour pour ces belles dames qui nous lancent de si tendres regards de leur loge d'opéra. Nous n'admirons jamais ces grandes héritières qui tombent amoureuses d'une belle figure et n'ont pas assez de modestie pour tenir leur serment à l'état de secret. » Qui pensent nous honorer par un mariage, qu'elles rougissent d'avouer et qui s'imaginent que nous devons être amoureux d'elles, parce que d'après leur mode, elles sont amoureuses de nous. En avez-vous assez entendu ? Demande Raymond de Marolles. Donnez-moi un pistolet ou un poignard, murmura-t-elle d'une voix dure. Que je le tue, que je le frappe au cœur, que je puisse m'éloigner et mourir en paix. Ainsi, dit tout bas Raymond, elle en a entendu assez. Allons, madame, attendez encore, un dernier regard. Vous êtes certaine que c'est monsieur de Lancy ? L'homme et la jeune fille se tenaient à quelques pas d'eux, ils tournaient le dos à Valérie, mais elle le reconnut entre mille à sa chevelure noire et à l'inclinaison particulière de sa tête. « Certaine, » répondit-elle, « suis-je moi-même ? Venez alors, nous avons un autre lieu à visiter ce soir. Vous êtes satisfaite, ne l'êtes-vous pas, madame, maintenant que vous avez eu une démonstration oculaire ?